toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Station Q est avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Qwait. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Ça va. En forme, bien dormi. Oui. Bonjour, commandant. Bonjour. Bonjour, Aurélie Darédac. Bonjour. Et le petit là-bas, comment est-ce qu'il va, Jérôme du Standard? Ça va. Super. Ça va comment? Super. Hein? Super, quelle nouvelle? Ben bien. Eh ben, super. Super, voilà. Bonjour, Aurélie Darédac. Rebonjour. Rebonjour, commandant. Rebonjour. Alors, on va passer la journée à se dire bonjour aujourd'hui. Ben, c'est bien, c'est bien. On va parler de quoi tout à l'heure, Isa? Ben, de soleil, enfin, de soleil artificiel. Hein. Est-ce que ça vous arrive parfois de bronzer sous UV artificiel? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, la page de Réveil du Roi, pour laisser votre avis, votre expérience. Et puis, on en parlera tout à l'heure, 3018 par SMS, ou alors l'adresse email réveil@energie.be. Justement, le soleil va être là aujourd'hui. Ah oui. Bonne nouvelle. Temps sec avec quelques petits nuages, du soleil. Ah, du soleil. Et en plus, on va pouvoir respirer un peu plus, entre 16 et 23 degrés. On le dit au soleil, c'est un jour qu'on n'aura jamais. Ben si, aujourd'hui. Voilà, il avait tort. Ah non, c'était le lundi. Ouais, c'était le lundi à la base. Ouais. Est-ce qu'on écoute, commandant? Fifth Harmony. Allez, c'est tout de suite Fifth Harmony sur Énergie. Ça sera suivi de Vici. Bon réveil, bon début de journée. Il est 6h01, vous écoutez le Réveil du Roi et vous avez... raison. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand being

vous offre votre smartphone Huawei P9, valeur plus de 500 euros avec MediaMarkt rue Neuve à Bruxelles. Et bien aujourd'hui, on va vous l'offrir aussi. Il n'y a pas de raison. Pour ça, il y a une question. De quelle équipe de foot ouvre le bal de l'Euro 2016 ce vendredi? A, France-Roumanie, B, Virton-Roulers. Vous envoyez phone suivi du A ou du B par SMS au 78. C'est 1 euro par SMS envoyé, reçu. Bonne chance. La pub Birthday, c'est tous les jours. Tous les jours, à 7h45. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, vous allez sur energie.be et vous ferez plaisir à quelqu'un comme Corinne pour Morgane. C'est l'Happy Birthday maintenant avec Corinne de Forchy-la-Marche. Bonjour Corinne. Oui, bonjour. Oh, ça a l'air d'aller ce matin. T'es en forme? Oui, en pleine forme, oui. Alors, on va fêter l'anniversaire de Morgane. Qui est Morgane? C'est ma fille. Elle a quel âge aujourd'hui? 15 ans. Et ça va avec Morgane? L'adolescence se passe bien? Oh, c'est le top. C'est le top. C'est le top. C'est pas toujours le cas, hein, donc ça se passe bien, c'est cool. Allez, c'est cool, on l'appelle. Morgane? Oui. Comment ça va, ma belle? Bonjour. Mais ça va, tu sais qui t'appelle, évidemment. Le réveil du roi. Mais oui, c'est le réveil du roi sur Énergie. Bon anniversaire. Annick! Non, c'est pas Annick, c'est Morgane. Morgane, t'es déjà en pleurs? Oui. Mais pourquoi tu pleures, ma belle? Bon, il y a monsieur. Je vous aime au téléphone. Oh, ben écoute, mais nous aussi, ça nous fait plaisir. Mais tu vas nous mettre aussi les larmes aux yeux, Morgane. C'est vrai, tu veux qu'on reste au téléphone jusqu'à la fin de l'émission? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, ma belle Morgane? Je sais pas. Ben non, t'as examen aujourd'hui? Non, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ben ça va bien se passer, on croise les doigts pour toi. Ouais. Quelqu'un voulait te souhaiter un bon anniversaire, tu sais qui? Maman. Oui, comment elle s'appelle, maman? Corinne. Corinne, elle est avec nous, vas-y Corinne. Oui, bonjour ma chérie, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire. Depuis le temps que tu me demandes de passer sur Énergie, eh ben voilà, ton vœu est exaucé. Et je voulais juste te dire que je t'aime, reste comme tu es, tu es une fille parfaite. Bien sûr, tu as des défauts comme tout le monde, mais moi je t'aime comme tu es. Et tu es mon trésor, tu es ma vie, et tu es ma seule raison de vivre. Je t'aime, bon anniversaire ma chérie. Bah oui, mais tu fais aussi exprès, elle pleure encore un peu plus maintenant. Et pourquoi tu lui dis pas ce que tu nous as dit avant, là, qu'elle devait absolument se faire refaire le nez? C'est je plaisante. On t'embrasse, Morgane. Merci. T'arrêtes de pleurer, hein? Oui. Donc, je peux te faire un gros bisou? Est-ce que je peux te faire un gros bisou ou pas? Tu veux bien? Oui. Alors, rien que pour toi, Morgane, d'accord? Oui. Je suis Morgane de toi. Non. Je te fais plein de grands bisous. À belle, à bientôt. Ciao. Merci. 6h, 10h, le réveil du roi sur Énergie. I know that I'm running out of time. I want it all. And I'm wishing they stop trying to turn me off. I want it all. And I'm walking on a wire, trying to go higher. Feels like I'm surrounded by clowns and liars. Even when I give it all away, I want it all. Cause they are all the same. See, I would rather we just go a different way than play the game. And no matter the weather, we can do it better. You and me together forever and ever. We don't have to worry about a thing. About a thing. No. just gotta believe. Come on, come on with me. For just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like fire, burning up the world, rocking like the world. For just one day, watch this madness, colorful charade. No one can be just like me anyway. Just like magic, I'll be flying free. I'ma disappear when they come for me. I kick that ceiling, what you gonna say? No one can be just like me. Vous écoutez Énergie, il est 6h15, voici l'horoscope avec Isa. Les Gémeaux, vous prenez le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Les Cancers, vous affrontez les difficultés de la journée avec brio. Les Lions, essayez de garder votre calme et ne démarrez pas au quart de tour. Les Vierges, les opportunités intéressantes que vous espérez depuis longtemps arrivent enfin. Les Balances, ouvrez votre cœur à l'être aimé, exprimez-vous sincèrement. Les Scorpions, réfléchissez avant de faire un choix décisif. Les Sagittaires, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux autres. Les Capricornes, c'est le moment ou jamais de vous mettre en valeur. Les Verseaux, faites preuve de spontanéité, ouvrez votre cœur. Les Poissons, grâce à votre esprit pratique, bien vous trouvez des solutions à vos difficultés. Les Béliers, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et enfin les Taureaux, concentrez-vous sur un objectif personnel et ne vous laissez pas influencer. Commandant, on va ouvrir la ligne. Oui, on va se faire ce plaisir-là. Oui, enfin je parle de la ligne téléphonique. Bah oui. Évidemment. Ah oui, 02-703-0071, 02-703-0071. Venez nous donner votre bonne humeur du matin. Venez nous dire ce que vous faites le matin pour être de bonne humeur, par exemple. Venez nous dire bonjour. Venez dire bonjour à quelqu'un que vous aimez. Venez dire bonjour surtout à Jérém du Standard. Il vous attend. 02-703-0071. On va vous ouvrir la ligne dans quelques minutes. Ouais, on peut déjà nous appeler. Le grand magicien Bernard Magix entre dans un Best Shop. Bonjour. Oh, un magicien. Je viens pour le Samsung Galaxy S7 avec 150€ de réduction. À quelle carte je pense là? Non, là, je suis en congé là. Ah, si, non, bon, je suis off là. J'y pense là. Bon, est-ce que je pourrais l'avoir ce Samsung Galaxy S7 ou alors... 7, c'est ça, le 7 de carreau. Oh, mon... Trop fort. Carrément dément les deals de base. Maintenant, le Samsung Galaxy S7 avec une réduction de 150€ à partir de base 25. Disponible aussi pour les indépendants. Infos et conditions sur base.be. Go Mobile. Base. Grâce au Last Minute Appel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de danois. Une bière, s'il vous plaît. Ich will gerne en all. Santé. School. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Les matous exigeants, les toutous gourmands, tout le monde est content. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Cuisine Xina. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Le chant des vagues dans la mer? Non, il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Rendez-vous vite dans un magasin Xina et recevez un plan de travail en granit au prix d'un stratifié. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste? En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour savourer un délicieux Châteaubriand. Une pièce de viande exceptionnelle, sélectionnée et découpée par nos experts bouchers. Et jusqu'au 15 juin, profitez de 4€ de réduction sur le kilo de Châteaubriand. Deleuze. Bien acheté, bien mangé. D'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et incapable de voir. Mais tu sais que sans en avoir l'air, tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. Mais tu sais que sans en avoir l'air, s'en aller comme un avion qui passe sur ce monde qui nous laisse. Sommes-nous éveillés à Appelez-nous maintenant le 02 703 0071 02 703 0071. C'est pas un tarif surtaxé, c'est pas un truc, on a juste envie de vous dire bonjour et de vous parler. Vous n'avez rien à dire, c'est pas grave. Testez juste le numéro pour voir si la ligne fonctionne. 02 703 0071 et Isa sur le Facebook de l'émission La Page de Réveil du Roi. Nous avons l'occasion de gagner un waveboard. Un waveboard, une sorte de planche à roulette du futur, ouais. Un petit peu comme dans Retour vers le futur, hein, t'en parlais l'autre fois. C'est juste magique. Faut un peu d'équilibre. faut s'entraîner, évidemment. Ouais. Olivier l'a testé et lui, enfin voilà, il était complètement fan. Ah ce qu'il y a de bien, c'est que le concours est totalement gratos. Il suffit d'aller donc sur la page Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi, d'aimer la page, d'aimer la photo et de nous dire ce que vous feriez avec ou vous l'utiliseriez. Et puis il y aura un tirage au sort et le grand gagnant sera recontacté. Voilà. Voilà, Isa a essayé de monter dessus. Expérience. Et voilà. Oui, j'ai pas d'équilibre déjà à la base. 02 703 0071, vous nous appelez maintenant. Allô, bonjour, qui est là? Bonjour, qui est là? Bonjour. Fatima, c'est Fatima qui est là. Bonjour Fatima, comment ça va? Ça fait longtemps. Ça va bien, merci. Ça va, t'es en forme ce matin? Oui, tout à fait. Tu t'es levé du bon pied? Oui, à 4h du matin. Ah, cool. Tu fais quoi de beau dans la vie, Fatima? Rien de spécial, malheureusement. Donc, je suis à la quête d'un travail. Voilà. D'accord, d'accord. Fatima, tu veux dire quoi ce matin? Un joyeux anniversaire à mon amie Rita. Ah, ton ami Rita. J'avais compris, à mon américain. Non. Rita. En fait, c'est une personne adorable qui aide beaucoup de personnes autour d'elle. D'accord. Et je trouve qu'elle mérite qu'on lui fasse un petit geste, une petite surprise. Elle a rencontré Zuko? Zuko? C'est bien connu, hein, Rita Mitsuko. Allez, on t'embrasse, Fatima. À bientôt. Merci, on a fini avec les vannes. Bisous, Louloute. Allô, bonjour. Allô, c'est à toi. Quel est ton prénom? Allô? Oui, il faut couper la radio derrière toi, hein, sinon on parle avec un décalage de 10 secondes, c'est pas top. C'est moi? Allô, ouais, c'est moi? C'est toi. Oui, vas-y, bonjour. Ah, c'est moi. Bonjour, ici c'est Georges. Bonjour Georges. Georges de la jungle? Vas-y, passe ton message, Georges. Oui, Georges de la jungle. J'aimerais dire un petit bonjour à ma maman, à ma grand-mère et à mon canari. Ah, d'accord. Comment s'appelle le canari? Comment s'appelle le canari? Chip-chip, le canari, oui. Et, ah ben, on entend le petit singe. Il s'appelle comment, le petit singe? Oui, en fait, je travaille dans un zoo. Oui, d'accord, on a bien compris. Comment s'appelle le petit singe? Le petit singe s'appelle Ouga. D'accord, tu nous le passes? Ils sont malades, les gens. Une chute conversation. Ouga, banane. On dit paname. Ah, paname, c'est ça, d'accord. Voici The Chainsmokers sur NRJ, 6h26. Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is fire. His heart was a stone, but then his hands were I'll take you to paradise. Tintin dans un instant. Il est 6h30, on va retrouver les infos. On a un smartphone à vous offrir, c'est le Huawei. Et on vous offrira le P9. On vous offre ça dans quelques minutes, on vous explique comment le gagner. Et puis sur la page Facebook de l'émission, on vous pose une question. Est-ce que vous faites parfois des UV artificiels? Vous êtes 58,2% à nous dire « Bah oui, on n'a pas assez de soleil en Belgique » contre 41,8% à nous dire « Non, parce que c'est vraiment pas bon ». Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. À 6h30, l'info avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Isa. Le trafic des trains va reprendre normalement à Hermal-Souilly aujourd'hui. Les voies endommagées par l'accident survenu dimanche soir ont été remises en service. Et puis concernant l'accident, la boîte noire du train de voyageurs aurait livré ses premières informations. D'après le journal Le Soir, le train roulait à 90 km/h au moment de la collision. Le conducteur n'aurait pas freiné après avoir franchi un double feu jaune, comme le veut la procédure. Il l'aurait fait quand il a aperçu le train de marchandises. Ces éléments doivent être confirmés par les enquêteurs. Le préavis de grève est maintenu sur le rail et il a même été prolongé d'une semaine. Ça veut dire qu'une grève reste possible entre le 12 et le 25 juin. Hier, syndicats et direction des chemins de fer se sont rencontrés. Une réunion qui n'a abouti à aucun accord concernant les jours compensatoires. Ils poursuivront leur discussion aujourd'hui à midi. Et puis si vous faites partie des voyageurs lésés par la dernière grève sauvage des cheminots, il faudra attendre pour avoir une compensation. Le service clientèle est débordé. Résultat, les voyageurs ne seront pas dédommagés avant 2 mois. Rappelons que vous avez jusqu'au 17 juin pour introduire une demande de dédommagement. En parlant de grève, les gardiens de prison se croisent les bras depuis 44 jours. C'en est trop pour le Premier ministre. Charles Michel a tranché. Pour lui, les négociations sont terminées. Il rappelle que 4 syndicats sur 6 ont accepté le protocole d'accord du ministre de la Justice. Il invite donc la CSC et la CGSP à le signer à leur tour. Les 2 syndicats francophones déplorent que les propositions ne sont valables que pour 1 an et demi. En sport en tennis, la Fédération internationale de tennis a rendu sa décision concernant le cas Maria Sharapova. La joueuse russe est suspendue finalement pour 2 ans. Elle avait été contrôlée positif au meldonium lors d'un test antidopage. C'était le 26 janvier dernier lors de l'Open d'Australie. Si je pense bien, il va y avoir du soleil aujourd'hui. Et tu penses bien, temps sec, ensoleillé au programme avec des températures comprises entre 16 et 23 degrés. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. The sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, have dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over. qui arrive, c'est Flume dans un instant sur Énergie. Il est 6h35 et puis on vous offre votre smartphone Huawei P9 valeur 500 euros, plus de 500 euros. À vous de jouer pour tenter de repartir avec ce superbe cadeau que vous pouvez d'ailleurs retrouver chez MediaMarkt rue Neuve aussi, hein. Ah, vous pouvez aller l'acheter là-bas ou alors vous jouez avec nous. Quelles équipes de foot ouvrent le bal de l'Euro 2016 ce vendredi? Oui, donc réponse A, France-Roumanie, ou alors réponse B, Virton-Roulers. Vous envoyez le code phone, ça s'écrit P-H-O-N-E, suivi du A ou du B par SMS au 78 et c'est 1 euro par SMS envoyé reçu. Bonne chance. Bonne chance. Et puis dans quelques minutes, restez avec nous parce que Jérém du Standard va faire son premier sondage qui sert à rien. Yes. Énergie, on joue les meilleurs hits. All the hits, all the time. Obligé. On a les meilleurs auditeurs. Ouais, c'est vrai. It's music only. Tu sais quoi? Avec des centaines d'offres imbattables en folder et sur Krefel.be, moi je dis champion Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et si vos produits étaient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur cbcpopupwebshop.be. Pas passer ses vacances à chercher du wifi. Qui veut voir mes photos de vacances? Non. Bon, alors ici c'est Brian Cybercafé. Là c'est Brian au fast food. Wow. Alors là c'est c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là on voit encore Brian au fast food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de wifi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Sophie mange du fromage. Simon, intolérant au lactose, mange aussi du fromage. Et oui, aucune différence. Parce qu'avec Dilea Zéro Lactose, vous savourez 20 produits laitiers 100% sans lactose, mais avec exactement le même goût. À découvrir au rayon frais et sur Dilea.be. Dilea, le geste plus digeste. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez, Zo, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois? Moi, j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord? Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Alain Flelou, ça y est, c'est parti l'été fou? Oui. Chin Chin cet été, ce n'est pas une, mais deux lunettes de plus pour 1 euro de plus? Oui. Et la troisième paire? Pour vous ou pour qui vous voulez. C'est fou. C'est fou, c'est Flelou. Chin Chin jusqu'au 31 juillet, c'est deux lunettes de plus pour 1 euro de plus. Voir conditions en magasin. Est-ce qu'on dort mieux dans un hôtel de rêve? Ou est-ce qu'on rêve mieux dans un hôtel de luxe? Cette semaine avec Flair, hôtel de luxe pour seulement 35 euros par personne. Il faut le Flair. Avec Audi, pendant les Audi Days, on ne parle pas d'incroyables promotions, mais d'incroyables sensations. Les Audi Days, ce sont des conditions exceptionnelles pour des voitures d'exception. Exemple, l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur Audi.be. Moi, j'aime terminer les repas par un fruit bien sucré. Ah ben ça, c'est vrai que c'est bon, hein, monsieur Marc? Oh, bien sûr, petit. Surtout si on prend nos bonnes cerises bien rouges et sucrées à point. Pour terminer un repas, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ha! Ouais, même quand il n'y a pas de gâteau en dessous de la cerise, hein, monsieur Marc? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses cerises bien rouges sont à seulement 3,69€ le sachet de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder. before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Énergie. Infotrafic. Un accident s'est produit sur l'A8 à hauteur de Popuel en direction de la France. La bande de gauche est bloquée. Energy. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. Change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. My sins won't you? Oh, la suite avec Kenji Girac et c'est sur Énergie. Et évidemment, on le retrouvera avec Soprano. C'est chouette. Ouais. Bah ouais, ouais. Et puis là, c'est le sondage qui ne sert à rien. C'est chouette aussi. C'est Jérém du Standard qui s'y est collé. Alors oui, il a intégré l'équipe et qui dit intégration de l'équipe dit sondage qui ne sert à rien aussi. Il se lance dans cette aventure qui ne sert à rien. Mais est-ce qu'il va arriver jusqu'au bout? C'est un job. Hein. Le sondage qui ne sert à rien. Allô? Bonjour, je suis Jérém de l'ISQSR. De quoi? De l'ISQSR. C'est quoi ça? En fait, c'est l'institut de sondage qui ne sert à rien, mais c'est pas grave. Ça va durer à peine 2 minutes. Oh. J'ai 4 questions. Oui, oui, alors vite, hein, parce que j'ai pas que ça à faire. Hein. Très bien, merci. Alors, première question. Jean-Claude Van Damme est connu pour faire du karaté. Mais en fait, sa première passion, c'est quoi? J'en sais rien, le cinéma. Ah non, c'est la flûte. Je sais pas, madame. Ah, moi, c'est monsieur. Pourquoi lave-t-on les essuie-de-bains? Oui, allez, la suite. Vous lavez vos essuie-de-bains, vous? Ben oui. Ben pourquoi? Pour qu'ils soient propres, tiens. Et pourtant, quand vous sortez de la douche, vous êtes propre, vous. Oui, oui, bon, écoutez, arrêtez avec ces questions, idiotes, au revoir. Oh hein. Oh ah, attendez. Oh ah, tu t'es fait raccrocher. Allez, mouché. Le sondage qui ne sert à rien. Sur Énergie. Non, mais mi-res-mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Ne joue pas avec le danger. Non, mais mi-res-mas, mi-res-mas, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Et tu juegas con el peligro. Ça fait plus d'une semaine qu'il te décrit comme un poème. Il nous parle que de toi, il vit sur un nuage depuis que tu vis dans ses bras. Changé quand j'ai compris qu'il parlait de toi. Oh. Je joue ça. Tu joues de la batterie maintenant, commandant. Tam-tam de conga. Bon, allez, c'est le réveil du roi. Merci d'être là. Il est 6h51. Toute l'équipe est là au taquet. J'ai envie de vous poser une question, les amis. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont des noms un peu surréalistes, un peu bizarres? Moi, je connais par exemple une nana, elle s'appelle Isabelle Variance. Variance. Ah, je connais pas, moi. Si, Variance. C'est toi, hein. Mais comment tu dis mon nom? Mais quoi, c'est comment ton nom? Mais tu peux dire à la francophone, oui. Vergence, ouais. Ou plus à la néerlandophone, Variance. Mais pas. Non, t'as dit Variance. C'est pas un truc vraiment bizarre. Variance? Comment? Variance. Variance. Je sais pas. Ouais, c'est marrant comment tu mets l'accent tonique. Dis-le toi. Variance. Mais c'est exactement la même chose que tu veux dire. Commandant, tranche. Il roule ses R, c'est trop bizarre. Ou alors Variance. Variance. Mais arrête, c'est horrible. Isabelle Variance. Variance. Non. Et toi, c'est comment? Variance. Bah enfin, c'est la même chose. Non, il y a un petit accent. Ah, on est d'accord. Ah, n'importe quoi. Ça porte une couleur en plus. Moi, je connais un mec qui s'appelle de la rue aussi. Ouais, comme animateur. M'en suis pris plein c'est la toi, Jérém. M'en suis pris plein la gueule dans la cour de récré. C'est vrai, pourquoi? Parce que je m'appelle Jérémy et mon nom de famille, c'est de la rue. Alors, c'est Jérémy dans la rue. Ah bah c'est drôle, hein, moi je t'aurais mané aussi, ouais. Ah ouais. Toute mon enfance, et puis avec Jean-Luc en plus, donc... t'es le fils de Jean-Luc de la rue. C'est ouais, ça, ouais. Je te l'ai fait aussi, hein, quand t'es arrivé. Hein. Tiens, il y a quelqu'un qui nous demande, justement, parce que Jérém est au standard, où est passé Frisco? Frisco, il a une promotion, il est devenu directeur ici. Mais non, il fait de la vidéo, il est toujours chez nous, hein, au sein d'Énergie. Mais voilà, il s'éclate dans le premier domaine pour lequel il a fait ses petites études. Tu connais des noms bizarres, toi, Aurélie Daredac? Le mien. Pourquoi Adam? Ah oui, Adam. Et quoi, on te vannait aussi Ah bah oui, brosse à dents, macadam, famille Adams, Adam et Ève. J'adore macadam. Ah ça me plaît, ouais. Brian Adams, Farian. Tout plein, ouais. Voilà. Et toi, avec ton nom du roi, on t'a jamais chambré? Bah si, t'es le fils du roi. T'es l'animateur radio. Et vous? Du roi des cons. Bon, bref, allez, sérieusement, est-ce que vous connaissez des gens qui ont des noms bizarres, des noms difficiles à porter? Pourquoi pas, j'ai connu des connards, j'ai connu des cocus. Ah, il y avait un monsieur vilain, moi, que je connaissais aussi. Il était pas beau, donc. En plus, ouais. Donc voilà. Allez, 30-18 par SMS, la page Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi, ou alors via mail réveil@energie.be. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow. Make you lose control. Where

Enfin, sport en tennis, la Fédération internationale de tennis a rendu sa décision concernant Maria Sharapova. La joueuse russe est suspendue pour 2 ans. Elle a été contrôlée positive lors d'un test antidopage le 26 janvier dernier. La météo Aurélie. Eh bien aujourd'hui, c'est une journée avec une météo qui sera sèche et ensoleillée. Côté température, ce sera compris entre 16 et 23 degrés. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Avec Isa. Bonjour. Avec le commandant. Bonjour. Aurélie de la Rédac. Bonjour. Jérôme du Standard qui remplace Frisco du Standard depuis peu. Ça va? Bonjour, tout ça va bien tout le monde? Bien. On vous offre le smartphone Huawei P9. Huawei. Le P9 avec MediaMarkt Druneuve à Bruxelles. Si vous voulez repartir avec ça tout à l'heure à 10h, il y a une question les amis. Huawei. Quelle équipe de foot ouvre le bal de l'Euro 2016 ce vendredi? Réponse A, France-Roumanie. Ou alors réponse B, Virton ou Roulers. L'un d'eux sera plus passionnant. Vous envoyez le téléphone suivi du A ou du B par SMS au 78. Bonne chance. You. Non, c'est pas you, c'est Huawei. C'est Huawei. Vas-y, dis-le. Mais non, n'a rien compris celui-là. C'est pas possible, c'est Huawei. T'es pas normal, hein. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. La suite des hits sur Énergie, ce sera Calvin Harris, l'Happy Birthday qui débarque. Et puis, est-ce que vous avez des noms bizarres? Il y a par exemple Romina qui nous dit « J'ai souvent eu le surnom de Gros Minet ». Ah, j'adore, ouais. Il y a Ludivine qui dit « Mon nom de famille, c'est l'agneau ». Et je suis mariée à un Colin. Donc mon mari, c'est un poisson et il a épousé un petit agneau. Ah, voilà, bah, c'est mignon. Ouais. Alors, il y a Julie qui dit qu'elle s'appelle Perpète. Pardon, Julie, je ne me moque pas. Julie, c'est Perpète. Alors, je vous dis pas les gens avec toutes les petites blagues sur ce mot. Voilà, Perpète. Il y a Sarah qui dit « Moi, le nom de mon mari, c'est Genon. » Alors, les gens ont tendance à se tromper et à prononcer Genon. Bref, c'est pas cool, quoi. Quoi ? Vas-y, balance. Non, bah, il y a Macha qui nous dit au 30-18 par SMS, moi, mon prénom et mon nom, donc c'est Macha Bigazi. Ça fait, en primaire, on m'appelait Macha de Big Zizi. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, c'est sorti tout seul. Mais ouais. Elle dit, ça va, je l'ai bien vécu. Ah bah, Macha Bigazi, Macha de Big Zizi. La pauvre, pensée émue pour toutes ces années de souffrance. Il y a Maëva qui dit au travail, moi il y en a un, c'est un truc de ouf, son nom de famille c'est Catin. Oh là. Ça le fait pas vraiment. Hein. Allez, 30-18 par SMS, est-ce que vous connaissez des gens comme ça qui ont des dons qui sont difficiles à porter? Dites-nous tout par SMS au 30-18. Alizée est avec nous, elle a 14 ans, Braine-l'Alleud. T'as un nom bizarre, Alizée? Oui. Ah, bah écoute, tu restes là, on va en parler dans un instant. On va pouvoir te dévoiler. Qui a dit qu'il fallait faire une croix sur vos vacances cet été? Avec Énergie, partez vous détendre dans le sud de la France. Cette semaine, entre 16h et 19h, Marco et Wendy sont en direct de la presqu'île de Gien, dans un club entouré de criques, une eau turquoise, des logements design. Depuis le club Bellambra, les criques, Marco et Wendy vous offrent chaque jour 2000 euros de vacances. 2000 euros de vacances. Bellambra, le numéro 1 des clubs de vacances en France. Il y a 100 000 euros à gagner au concours foot de Créfel. On y va, les gars? Ouais, tous ensemble, ouais. Créfel. Les meilleurs prix, service compris. Conjuring 2. Est-ce que tu sais quand la voix va se manifester? Oui. Une histoire vraie. Elle te dit quoi? Et inexplicable. Elle a envie de vous faire du mal. Vivez le mal absolu. Conjuring 2, maintenant au cinéma. Vous aimez les diables? Nous aussi. Pour l'Euro, le journal numéro 1 du sport vous promet le meilleur. Une couverture totale des matchs et des infos exclusives. Le tout dans un supplément spécial de 16 pages, chaque jour et durant tout l'Euro, dans les journaux La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord-Éclair et La Capitale. Sud Presse, partenaire officiel des Diables Rouges. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. À l'Euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cava de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, de nectarines, de kiwis, d'oranges et un ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous attendais. Voilà, entrez. Oh non, je n'ai pas le temps madame. Comment mais... Non, j'ai encore beaucoup de maisons à faire. Alors je vous propose le calendrier vous des pompiers. Vous voulez pas visiter la maison? Non. Ils sont bien, hein? On s'est mis tout nus. Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Celle-là est très bien. Allez-y, on la prend. Parfait, madame. Attends, tu crois, moi j'aurais voulu un écran tactile avec GPS intégré. Oh, passe-moi ton smartphone. Vous auriez de l'adhésif pour fixer ça au tableau de bord. Chez Peugeot, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Et en plus, jusqu'au 18 juin, 4 ans de garantie sur tous les véhicules de stock. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Panos présente les feux du four. Oh, ça tourne, hein, Donut. Goûtez la famille à croquer et gagnez des tickets pour Plopsaland. Panos, le goût de chez nous. Conditions sur panos.be. Votre enfant découvre la lecture ? La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale présentent une collection de 24 romans pour les enfants dès 6 ans. Chaque jeudi en librairie, deux nouveaux ouvrages de 32 pages pour 7,50€ seulement. Faites le plein de nouvelles histoires pour les vacances. Encore une nouveauté Sud-Presse chaque jeudi chez votre libraire. Sud-Presse. C'est 9, 10 et 11 juin, Kitchen Market vous attend pour 3 jours de fête et de folie sur les prix. Avec 15% de réduction sur tout le magasin. Cuisine équipée, électroménager, ustensiles Alice Delice et buanderie. Jeudi, vendredi, samedi, vous avez 3 jours pour en profiter. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Et pour vos soirées d'été, il y a 40 barbecues d'une valeur de 1,000€ à gagner. Infotrafic. Je vous rappelle cet accident sur la 8 à hauteur de Popuel en direction de la France. La bande de gauche est bloquée. Il y a déjà des ralentissements en direction de la capitale. Sur le 40, vous perdez 10 minutes entre Asrode et Berthem. Sur le 411, comptez 10 minutes en plus entre Huillart et Oudergem. Et puis sur le ring extérieur, vous perdez 11 minutes entre Genappe et Argenteuil. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Every time she moves. Scots dans un instant sur Énergie. Il est 7h16. L'horoscope. Les Gémeaux, vous prenez le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Les Cancers, vous affrontez les difficultés de la journée avec brio. Les Lions, essayez... Avec brio. Ah, d'accord. C'est un pote à moi aussi. Ah. Tu connais pas? Non. Les Lions, essayez de garder votre calme et ne démarrez pas au quart de tour. Les Vierges, des opportunités intéressantes que vous espérez depuis longtemps arrivent enfin. Les Balances, ouvrez votre cœur à l'être aimé, exprimez-vous sincèrement. Les Scorpions, réfléchissez avant de faire un choix décisif. Les Sagittaires, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux autres. Les Capricornes, c'est le moment ou jamais de vous mettre en valeur. It's now or never. Les Verseaux, faites preuve de plus de spontanéité, ouvrez votre cœur. Les Poissons, grâce à votre esprit pratique, vous trouverez des solutions à vos difficultés. Les Béliers, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et enfin les Taureaux, concentrez-vous sur un objectif personnel et ne vous laissez pas influencer. Retrouvez l'horoscope de Serge Ducas sur la page Facebook du Réveil du Roi. On parle des noms de famille aux prénoms drôles et insolites ce matin, notamment avec Alizée qui est là. Bonjour Alizée. Bonjour. Tu vas bien? T'as 14 ans, tu habites à Braine-l'Alleud? Oui. D'accord. Et est-ce que tu connais quelqu'un qui a un nom ou un prénom bizarre? Ben, moi un peu. Oui, d'accord. Comment tu t'appelles, Alizée? Mon nom de famille, c'est Victoire. Victoire. Mais ça va, Victoire, c'est joli, non? Joli, c'était quoi les vannes par rapport à ton nom? On m'appelle des fêtes des fois. Des fêtes, pourquoi? Parce que des fois j'ai des mauvaises notes, alors la seule idée que mes amis ont, c'est de m'appeler des fêtes. Oh. Ah. Est-ce que ça te touche, est-ce que ça te blesse? Au début c'est marrant, mais à la fin ça devenait un peu saoulant. Ouais, les meilleures blagues sont les plus courtes. Hein. C'est vrai, hein, c'est ce qu'on dit. Salut Alizée, on t'embrasse, arrêtez de vous moquer d'Alizée Victoire. Victorieuse. On fait plein de gros bisous, Louis. C'est la meilleure. Bisous. Il y a Meg, 16 ans de Wery qui est là. Salut Meg. Salut. Alors, dis-nous, toi, c'est pas ton prénom? En fait, j'ai un prénom et un nom bizarre. Ah. Mon prénom, c'est Meg. Et ça s'écrit comment? Noël. Noël. M-E-2-G-E. Ah ouais, M-E-2-G-E. Et ça vient d'où ce prénom? C'est américain. Ah, d'accord, ok. Bah, tu connais Meg Ryan? Oui, mais c'est M-E-G-L. Oui, ça fait pas la même chose. C'est effrayant aussi en français. Noël, oui, c'est un grand classique aussi. Et quoi, on te faisait quoi comme style de vanne par rapport à ton nom? Ton père, c'est le Père Noël. Ah ouais, t'as pas un cadeau pour moi? Ok, d'accord. On t'embrasse, Meg. Au revoir. À bientôt. Puis le Père Noël n'a pas de sexe, hein, c'est le Père Noël. Exactement. Voilà, exactement. Christine, bonjour. Bonjour. Je suis jamais allé voir en fait si la. Mais non, mais je n'imagine pas avec un sexe, c'est horrible. Quoi. Non, le Père Noël n'a pas de zizi. Ouais, je suis clair. Ça va, Christine? Ça va bien, bonjour. Christine, est-ce que tu as ta radio d'allumer derrière? Non, parce que je suis en voiture. Ah, t'es en main libre alors? Voilà. Ah ouais, c'est pour ça qu'on s'entend. C'est pas grave, c'est pas grave. Christine, désolée. C'est toi qui as un nom de famille bizarre ou? Ben oui, en fait, mon nom de famille c'est Nocent, donc mais mon prénom et mes deux autres prénoms, comme je l'ai écrit, ont toute une histoire en fait. Moi, je suis une enfant adoptée et à l'époque, c'était des sœurs qui s'occupaient des enfants à la pouponnière et moi, j'ai eu le prénom de la sœur qui s'occupait de moi, donc Christine. D'accord. Et comme j'avais pas de parrain et marraine, on m'a donné Marie et Joseph. Donc, avec mon nom de famille, ça fait Christine Nocent. Donc c'est très bien. Et puis ensuite comme prénom Marie-Joseph. Alors bon bah c'est un peu c'est très catholique. Ah oui, t'as intérêt à être pieuse après. Après un prénom et un nom pareil. Ouais. Tout à fait. Alors bon bah ça a toujours été on va mettre un I devant ton nom. Ben je dis non, prenez mon prénom, coupez-le en deux, ça fera Christ Innocent. Et mes deux autres prénoms, Marie-Joseph. Là, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux, non. Effectivement, ils ont fait fort. Marie-Joseph, ah bah dis donc, bravo. Ça va. Mais ça va, on s'en moque plus là aujourd'hui quand même. Oh si, ouais. Toujours, mais j'en ris et ça ne me dérange absolument pas. J'en ris, c'est qui? C'est un cousin, toi? Non, puisqu'on est dans les noms un peu bizarres. C'est mon beau-frère. C'est mon beau-frère. On t'embrasse, Christine. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur le matin? Le réveil du roi. Et voici Cheat Codes sur Énergie. Dans un instant, l'Happy Birthday. On ira souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Si vous avez un anniversaire à souhaiter dans les prochains jours, vous pouvez toujours inscrire la personne de votre choix via le site energie.be. C'est le site où tout se passe. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. Tell me all your dreams in darkest fantasies. Ooh. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. Sex. Voilà, il est 7h25, Coldplay pour la suite et l'Happy Birthday avec Bibi qui nous rejoint. Bonjour Bibi. Salut. On parlait des prénoms et des noms de famille un peu bizarres. Bibi, c'est ton vrai prénom? Non. Ah, d'accord. C'est quoi ton prénom alors, Brigitte? Non, c'est un petit nom que mon mari me donnait, donc voilà. Génial. Et tout le monde m'appelle comme ça. Ah voilà. Bah écoute, voilà. Bibi, on appelle qui pour l'Happy Birthday? On appelle mon fils Louis. D'accord. On l'appelle tout de suite. Il a 18 ans aujourd'hui. D'accord. T'habites où? J'habite Beaufailly, près de Liège. D'accord. Très charmant, Beaufailly d'ailleurs. Tu y vas régulièrement, Olivier? Bah non, pas régulièrement, mais je suis déjà allé. Ouais. C'est Beaufailly. Ouais. Allô? Oh, d'accord. Ah, pardon, j'ai cru que ça. Tut. Il a 18 ans. On va pouvoir sortir en bois. Pouvoir boire de l'alcool. Être prudent sur la route, évidemment. Allô. Hey, comment ça va, mon grand? Ça va, je suis fatigué. Hey, crevé ou quoi? Bah, ouais. T'as fait la fête? Nenni, je suis en examen. Ah, et quand est-ce que tu as fêté l'Happy Birthday, alors? Bah, je finis le 22, donc on va attendre jusqu'au 22. Ah, bah, attends jusqu'au 22 et tu m'invites. Bah, ouais. Ouais, pourquoi pas? Bah, écoute, tu m'appelles alors, hein, t'as mon numéro, hein. Ça marche. On fait comme ça. Ça marche, merci. Dis, tu sais qui t'appelle? Bah oui, je pense bien. C'est qui? C'est le réveil du roi. Mais oui! Happy birthday, Sir Louis! Bon anniversaire. Merci. Bon, Louis, 18 ans, tu dormais là avant qu'on t'appelle ? Nani. Bah ouais. Nani. Alors, dis-nous, mon bon, il y a quelqu'un qui a voulu te souhaiter un bon anniversaire, lui. C'est qui ? Bah, je pense bien que c'est ma mère. D'accord, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Sylviane. Ah ben non, elle s'appelle Bibi. Elle est avec ouais, nous. Ouais, mais tout le monde l'appelle Bibi. Allez, vas-y, Bibi. Bon anniversaire, mon Louis. Merci. Et une bonne M pour aujourd'hui et pour les jours qui suivent. Merci, maman, je t'aime. Moi aussi, mon grand. Mon grand ? Mon grand. Allez, on vous fait plein de gros bisous. Fêtez bien ça, d'accord ? D'accord. Merci. Allez. Merci. À bientôt. Vous savez ce qui met de bonne humeur le matin ? Le réveil du roi. Il est 7h27 et voici Coldplay sur Énergie. C'est la bonne humeur. Sur Énergie. Il est 7h30, on vous pose une question sur le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. Est-ce que vous bronzez parfois sous UV artificiel ? Vous êtes 59,1% à nous dire ouais, on n'a pas assez de soleil en Belgique, contre 40,9% à nous dire non, c'est vraiment pas bon. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Il est 7h30, voici l'info sur Énergie avec Aurélie Adam. Bonjour. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Isa. L'enquête progresse suite à l'accident de train survenu dimanche soir à Hermalsouy. D'après le journal Le Soir, la boîte noire du train de voyageurs a livré ses premières informations. Le conducteur n'aurait pas freiné après avoir franchi un double feu jaune, comme le veut la procédure. Il l'aurait fait au dernier moment quand il a aperçu le train de marchandises, train qu'il a percuté à au moins 90 km/h. Rappelons que le trafic des trains reprend aujourd'hui à Hermalsouy. Les deux voies ont été remises en service. On reste sur le rail. Les syndicats ont rencontré les directions des chemins de fer hier. Une nouvelle réunion qui n'a pas abouti à un accord concernant les jours compensatoires. Les négociations vont se poursuivre aujourd'hui. En attendant, les syndicats ont prolongé leur préavis de grève. Des actions restent donc possibles entre le 12 et le 25 juin. La grève des gardiens de prison dure depuis 44 jours. Pour le Premier ministre, les négociations sont terminées. Charles Michel rappelle que 4 syndicats sur 600 ont accepté le protocole d'accord du ministre de la Justice. Protocole qui prévoit l'engagement de 480 gardiens supplémentaires. La CSC et la CGSP ont toujours refusé de signer. Les deux syndicats francophones regrettent que ces propositions ne soient valables que pendant un an et demi. Grève du zèle des policiers à l'aéroport de Charleroi. Aujourd'hui, ils vont effectuer des contrôles minutieux à partir de midi. Les policiers dénoncent un manque de personnel. Ils réclament une rencontre immédiate avec le ministre de l'Intérieur. À l'étranger, une fusillade a eu lieu hier dans un quartier animé de Tel Aviv en Israël. On compte 4 morts et 5 blessés. À l'origine de l'attaque, 2 Palestiniens, ils ont été arrêtés. Les États-Unis, la France et l'ONU ont condamné cette attaque. Enfin, en sport, en tennis, la Fédération internationale de tennis a tranché concernant Maria Sharapova. La joueuse russe sera suspendue pendant 2 ans. Elle avait été contrôlée positive au meldonium lors d'un test antidopage le 26 janvier dernier lors de l'Open d'Australie. Il faut savoir que le meldonium fait partie des substances interdites depuis le 1er janvier. La météo, Aurélie. Temps sec et ensoleillé au programme avec des températures comprises entre 16 et 23 degrés. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también.

Mais tous les deux travaillent pour la STIB, les transports publics de Bruxelles, le plus grand employeur de la ville. Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents sur jobs.stib.be. La STIB. Yo, this is Jeezy. Or NRG. Le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Énergie. Infotrafic. Il y a des ralentissements en direction de Bruxelles sur le 40. Vous perdez 22 minutes entre Everly et Verberg. Sur le 411, comptez 14 minutes en plus entre Huillart et le carrefour à Léonard. Vous ralentissez sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Argenteuil. Comptez 13 minutes en plus sur le ring intérieur. Vous ralentissez entre Hall et Bercel. Vous perdez 12 minutes. Et puis sur la Nationale 5, comptez 12 minutes supplémentaires entre Gerpine et Charleroi. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Tu es avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Rendez-vous vite chez Kiwit. Sans plus tarder, les titres avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, le Premier ministre veut mettre un terme à la grève des gardiens de prison, grève qui dure depuis 44 jours pour Charles Michel. Les négociations sont terminées. Il appelle la CSC et la CGSP à signer le protocole d'accord du ministre de la Justice. Suite de l'accident de train survenu à Hermalsouy dimanche soir, d'après le journal Le Soir, la boîte noire du train de voyageurs a révélé que le conducteur a freiné beaucoup trop tard. Enfin, en sport, en tennis, Maria Sharapova est suspendue pour 2 ans. C'est une décision de la Fédération internationale de tennis. La joueuse russe avait été contrôlée positive lors d'un test antidopage en janvier dernier. La météo Aurélie. Un temps sec et ensoleillé au programme d'aujourd'hui. Côté température, il faudra compter entre 16 et 23 degrés. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Justin Timberlake, c'est dans un instant sur Énergie. Et puis alors, on a le Wacolor Festival là qui débarque, c'est avec Énergie. Wacolor pour Wavre Color Festival. Tu veux dire que ça va se passer à Wavre alors? Ben, ça va se passer à Wavre, exactement, sur le parking de l'ancien Roller Skate Park à Wavre. Si vous voulez repartir avec deux places, on a deux places pour vous. On va jouer au jeu du commandant dans un instant. On fera quoi, un ABC Game? Ouais. Ok, c'est dans un instant. Pour jouer, vous envoyez cadeau, KDO par SMS au 78 6018 cadeau. Le sondage qui ne sert à rien, c'est toi Olivier qui a pris le téléphone. 4 questions incohérentes pour 4 réponses totalement assumées. Le sondage qui ne sert à rien. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis Olivier de l'ISQSR. J'ai pas compris. L'institut de sondage qui sert à rien, mais c'est pas grave. Mais est-ce que vous seriez prêt à répondre à 4 questions? Ça prendra que 2 petites minutes. Oui. Alors première question monsieur, dans quelle ville le Manneken Pis va prendre sa retraite? Ben, j'ai vu en Venise. Mais oui, à cause de l'eau. À cause de l'eau, oui, tout à fait. Alors, monsieur, si Barbie Turic, Ken Tuki. Ah, je sais pas ça, je sais pas. Ça vous savez pas? Non. Oh là là. Ken Tuki. Non. Alors, sur une échelle de 0 à 20, à combien situeriez-vous le jus de tomate? Bah, disons, 8. 8? Ah oui, bah, c'est juste à côté de la poudre à lessiver. C'est logique en même temps. Ah oui. Oui. Alors, écoutez bien la dernière question. Quel chanteur francophone a peur du loup? Garou. Ah oui. Garou, c'est logique en même temps, hein. Loup-garou. Loup-garou, oui. Oui, loup-garou. Ok, merci d'avoir répondu aux questions, monsieur. Pas de quoi, allez. Au revoir. Number one. C'est le numéro 1 du Hit Energy. Le Hit Energy. Vos 30 hits préférés. Samedi 10h midi sur Énergie. It's music only. Mitsubishi. Attention, offre last minute sur la Mitsubishi i6. Prime de reprise incluse, le SUV compact et dynamique est à 15 990 € seulement. Mais en nombre limité. Alors, dépêchez-vous. Toutes les infos sur Mitsubishi.be. À l'euro, les Diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le Côte du Rhône Rosé Dieu Merci en 3 plus 3 gratis, soit 2,85 € la bouteille. Intermarché, tous unis pour gagner. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Votre chien ou votre chat se lèche les babines? Normal, il revient du magasin. AVV. Le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Avant, je me trouvais dans un rasoir. Et moi, j'étais dans une radio. Et maintenant, nous sommes relégués au grenier. Au grenier, quoi. Rapportez plutôt vos piles usagées dans un point de collecte Bébat, car Bébat leur donne une nouvelle vie. Même une seule pile fait la différence. C'est ce que nous appelons l'effet papillon chez Bébat. Bébat. Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Yo, je suis un rappeur du matin au soir. Je vis ma vie sur le fil du rasoir. Jouer avec le kilométrage, non mon gars, je trouve pas ça très sage. Avec le car pass, fini le traficotage. Chaque voiture a son histoire, faut l'assumer. Tout le monde peut vérifier que le compteur est ok. Tricher avec les kilomètres, tu vas te faire coincer. Tu vas te faire coincer. Coincer. Faut arrêter. Carpass, depuis 10 ans, la garantie officielle du kilométrage réel. Conjuring 2. Est-ce que tu sais quand la voix va se manifester? Oui. Une histoire vraie. Elle te dit quoi? Et inexplicable. Elle a envie de vous faire du mal. Vivez le mal absolu. Conjuring 2, maintenant au cinéma. Phare anti-brouillard avant? Oui. Système téléphone main libre avec commande vocale Ford Sync? Oui. Climatisation? Oui. Que demander de plus? Le prix? Ford Fiesta Business Class. En juin, conditions exceptionnelles sur une sélection de voitures de stock. Toutes les infos sur Ford.be. Ford. Go further. Démonique. Oui. Et tu crois pas qu'on a juste un problème de sonnette? Mais non, mon lapin, non, je ne pense pas. Enfin, ça fait 2 semaines qu'on attend, Monique, 2 semaines. Oui. Quelqu'un? Ouh! Personne n'a envie d'acheter notre maison? Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. C'est à moi? Bonjour, moi c'est Alice. Je cultive des tomates pour Flandria. Le producteur voisin dit qu'elles sont aussi parfaites que moi. Alors du coup, moi, je deviens aussi rouge que mes tomates. Seuls les légumes de producteurs passionnés sont d'une qualité irréprochable. Flandria, c'est meilleur quand on y met du cœur. Et donc, rendez-vous sur flandria.be. Campagne financée avec le soutien de l'Union Européenne.

instant Ikli Bisu. Oh, c'est mignon, ça. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, dans un instant et c'est sur Énergie. Voici l'horoscope avec Isa. Les Gémeaux, vous prenez le temps de faire les choses dans les règles de l'art. Les Cancers, vous affrontez les difficultés de la journée avec brio. Les Lions, essayez de garder votre calme et ne démarrez pas au quart de tour. Les Vierges, des opportunités intéressantes que vous espérez depuis longtemps arrivent enfin. Les Balances, ouvrez votre cœur à l'être aimé, exprimez-vous sincèrement. Les Scorpions, réfléchissez avant de faire un choix décisif. Les Sagittaires, vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer aux autres. Les Capricornes, c'est le moment ou jamais de vous mettre en valeur. Les Verseaux, faites preuve de plus de spontanéité, ouvrez votre cœur. Les Poissons, grâce à votre esprit pratique, vous trouvez des solutions à vos difficultés. Les Béliers, vous pouvez faire confiance à votre intuition. Et enfin les Taureaux, concentrez-vous sur un objectif personnel et ne vous laissez pas influencer. Retrouvez l'horoscope de Serge Ducas sur la page Facebook du Réveil du Roi. Et Corentin est avec nous de son bref. Bonjour Corentin. Salut Oli. Tu vas bien? T'es en forme? Ça va, ça va. Corentin, tu vas jouer avec nous à l'ABC Game. C'est le jeu du commandant pour repartir avec deux entrées pour le Wacolor Festival. C'est à Wavre. Oui. D'accord? Oui. Parking de l'ancien Roller Skate. On a deux places pour toi. L'ABC Game aujourd'hui, c'est quelle lettre? La lettre A. C'est cette lettre-là qui va commencer toute ta réponse sur 8 thèmes donnés pendant 30 secondes. Mmh. À toi, bien sûr, d'être efficace. Et on va donner un exemple avec Olivier ou Isa. Je ne sais pas, un arbre qui commence par A. Vous avez une idée? Acacia. Oui, ou abricotier. Voilà. Effectivement. On va pouvoir commencer à jouer 30 secondes. Si tu ne sais pas, bien sûr, tu peux passer. Hein. D'accord, Corentin? Attention, top. Je te demande un fruit. Abricot. Un personnage de conte. Je passe. Un moyen de transport. Un avion. Un légume. Je passe. Un métier. Architecte. Un pays. Autriche. Un instrument. Accordéon. Un animal. Aïe, on a bloqué sur l'animal. Il y avait agneau, alligator, aigle, un âne, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait un personnage de conte. Ça, je vais le laisser aux auditeurs. Un personnage de conte. Vous envoyez votre message au 3018. Cadeau par SMS au 78 pour gagner vos places pour le Wacolor Festival, suivi du nom du personnage de conte qui commence par la lettre A. Un légume, qu'est-ce qu'il y avait, Isa? Par A. Asperge. Oui, aïe. Artichaut. Ouais, pourquoi pas. Aussi, ouais. Voilà, donc cadeau par SMS au 78. Corentin, on t'embrasse, tu reviens quand tu veux. Ça va, plein de gros bisous. Cadeau KDO par SMS au 78. Et puis, les amis, le nom d'un personnage de conte qui commence par la lettre A. Bye. superbe cette chanson, hein, superbe. Morissette est avec nous, bonjour Morissette. Bonjour. Comment ça va Morissette? Très bien. Morissette habite à Namur. Oui. D'accord, et on cherchait un personnage de conte avec la lettre A, j'en demande à Isa. Aladdin. Oui, bien, bien. Et toi, t'avais dit quoi Morissette? Aladdin aussi, ben voilà. Il y avait Alice. Ah oui, aussi. Ouais, le film est sorti il n'y a pas longtemps et ça fait l'actu, c'est vrai. Aurore dans La Belle au Bois dormant. Ah, oui, oui. Ariel, la petite sirène. Ouais, ouais, ouais. Les Aristochats. Non. Non. Okay. C'est pas un conte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vraiment un non, conte. Non, je sais que c'est pas un conte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harry Potter. Mais non, ça commence à. Ah, je suis con. Bon, ben voilà, c'est gagné en tout cas. Tu vas au Wacolor Festival. Cool. Tu vas aller voir Quentin Moziman. Super. Tiens, Morissette, petite question. Est-ce que tu fais du bronzage via UV interposé artificiellement? De temps en temps. Ah oui, c'est vrai? Oui. Et quoi, toi, jamais, t'as pas peur des problèmes de peau? Non, pas spécialement. À quelle fréquence t'en fais, en fait, Morissette? Je vais dire avant l'été, une dizaine. Ah ouais, quand même, une dizaine avant l'été, ouais. Oui. Okay. Et il y a des puissances quand même. Enfin, j'y connais bien. Alors tu disais justement que c'était dangereux pour la santé, Isa. C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la peau, mais j'ai quelques chiffres à vous communiquer, notamment hommes, femmes, etc. Il faut savoir que ce sont les femmes qui utilisent majoritairement les bancs solaires. Elles sont 72% contre 28% d'hommes seulement. Alors au niveau européen, par an, il faut savoir qu'il y a 800 décès supplémentaires en Europe à cause des bancs solaires. 6% des Européens ont un banc solaire à domicile, et parmi les femmes qui pratiquent donc le plus le banc solaire et les hommes, donc ce sont les 35-44 ans, suivi des 45-54 ans. Ça, c'est pour les chiffres. Et plus d'un million de Belges, donc on parle bien de la Belgique, plus d'un million de Belges âgés de 15 à 65 ans ont utilisé au moins une fois un banc solaire l'année dernière. Jérôme, tu fais des UV, toi, au standard? Jamais. Non, j'aime pas. D'accord. Et tu te rappelles de ce film où t'as deux filles qui vont faire des UV là? Je sais plus comment s'appelle ce film. Non. Mais elles ressortent cramées. Non, elles ressortent pas. Elles sont complètement cramées. Enfin, elles se font cramer dans le truc. Je pense que c'est un film d'horreur. Mais oui. Mais c'est pas un film d'horreur. C'est allez, t'as toute une série de films là comme ça où ils se font tuer. Vas-y. Destination finale. Voilà, bravo. C'est ça, vous vous souvenez? Ouais. Elles entrent dans un solarium là comme ça et puis finalement il y a tout qui pète, elles sont cramées dans le truc. Ah oui, c'est horrible, je me rappelle de cette scène. Oui, c'est horrible, justement. C'est pour ça que j'y reste. Mais jamais. Oui, mais non, mais tu restes pas plus de 10 minutes, tu choisis le temps, 10 minutes. Tu choisis le temps, mais moi j'ai peur que le truc s'ouvre plus. Ah ouais, t'es un peu claustro. Ah ouais. Bon, et vous alors, c'est comme une drogue, vous faites des UV toute l'année, vous aimez être bronzé justement toute l'année, vous aussi, vous êtes obligé pour avoir bonne mine, ou alors vous dites non, vous avez peur du cancer de la peau, 30-18 par SMS, on en parle. Tu sais, je pense à mon régime et quand j'entends Sacha, bah, ça me donne envie d'en manger, tu comprends? Sacha. Ah, oui, Sacha. Les Sacha, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah, tu fais des pompes, vraiment, hein. Oui, je te remercie. Tu ferais mieux faire des pompes, c'est ça? Oui. Hein, bon, Philippe Harmonie, dans un instant, on a un smartphone Huawei à vous offrir. On va ouvrir la ligne au 602-703-0071. Notez bien le numéro. Moi, j'ai envie que vous notiez, vous nous donniez une note sur cette journée. Dites-nous sur 10, elle vaut combien ce début de journée-là? Pour vous, par exemple. Tu sais, non mais, se réveiller avec le soleil qui brille là dehors, c'est quand même le top. Ah ouais, ça fait plaisir. Hein ouais. Donc, je sais pas, est-ce que vous seriez plutôt du côté du 9 ou du côté de toi, par exemple? Bah écoute, moi je commence tranquillement à 7, ah et ouais puis ça augmente, tu vois, au fil de la journée. Ouais. Ah moi je suis à 10 sur 10, là, je suis au taquet. T'es au taquet? Ah ouais, avec le commandant, toute l'équipe, bah oui, le soleil. Bah oui, mais t'arrives à la radio, mais tu te réveilles. Ah ouais, il y a quand même une différence entre le moment où tu te réveilles et où t'arrives ici, j'espère. Bon bah venez, 02-703-0071, c'est une ligne. Pas surtaxé, ouais. Donc 02-703-0071, vous nous appelez, on ouvre la ligne dans un instant, vous pouvez déjà arriver, comme ça vous êtes dans la file d'attente. Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. Il est 8h30, l'info avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Olivier, bonjour Isa. Retour à la normale sur le rail à Hermal-sous-Huy. Les deux voies endommagées par l'accident de train sont de nouveau opérationnelles. Et puis, concernant cet accident, on apprend aujourd'hui que le conducteur de train de voyageurs aurait freiné beaucoup trop tard. Il aurait dû le faire après avoir franchi un double feu jaune, comme le veut la procédure. Il aurait actionné les freins quand il a aperçu le train de marchandises, train qu'il a percuté à au moins 90 km/h. Charles Michel veut arrêter la grève des gardiens de prison, grève qui dure depuis plus d'un mois. Pour le Premier ministre, les négociations sont désormais terminées. Il le rappelle, 4 syndicats sur 6 ont accepté le protocole d'accord du ministre de la Justice, protocole qui prévoit l'engagement de 480 gardiens supplémentaires. La CSC et la CGSP ont toujours refusé ce protocole. Les deux syndicats francophones regrettent que les propositions ne soient valables que pendant un an et demi. Un collectif d'indépendants lance un appel aux acteurs politiques et sociaux du pays. Ses patrons, ils en ont assez des grèves. Dans une carte blanche publiée dans la Libre Belgique, ils demandent au gouvernement et aux syndicats d'arrêter leur confrontation. Ils les invitent à privilégier l'écoute et la concertation. Pour eux, il faut oser les réformes pour pouvoir avoir confiance en l'avenir. Des réformes concernant l'impôt des sociétés, les pensions, la mobilité ou encore l'enseignement. Les antidépresseurs ne sont pas très bons pour les enfants et les adolescents, d'après une étude internationale. Ces médicaments sont bien souvent inefficaces chez les jeunes souffrant de dépression. Ils peuvent même être dangereux. Ils peuvent ainsi entraîner des pensées suicidaires, l'agressivité ou encore le refus scolaire. Dans les pays occidentaux, le nombre de prescriptions continue d'augmenter. De nombreux médecins affirment pourtant que le meilleur traitement reste la psychothérapie. Les médicaments devraient être réservés aux cas les plus graves. Actuellement, 3% des enfants de 6 à 12 ans souffrent de dépression. On monte à près de 6% chez les ados. On termine avec du sport et du tennis. La Fédération internationale de tennis a tranché concernant Maria Sharapova. La joueuse russe sera suspendue pendant 2 ans. Elle a été contrôlée positive au meldonium lors d'un test antidopage. C'était le 26 janvier dernier lors de l'Open d'Australie. Le meldonium fait partie des substances interdites depuis le 1er janvier dernier. Le soleil est de retour, hein? Ah oui, temps calme au programme, temps sec et ensoleillé d'ailleurs. Côté température, on aura entre 16 et 23 degrés. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel.

Dans un instant, Louane, c'est elle qu'on va retrouver sur Énergie. Merci d'être là, il est 8h46, ça va? Oui, ça va très bien. Si on ouvrait la ligne. Exactement, maintenant. Exactement, 02-703-0071, c'est un numéro non surtaxé, pardon. Donc faites-vous plaisir, vous venez ici, vous dites absolument tout ce que vous voulez, ce qui vous passe par la tête. Salut Corentin. Salut. Comment ça va Corentin? Ça va, salut Olé, salut Isa. Salut. T'es en forme? Ouais, nickel. Bon, Corentin. Bah. Corentin, dis-nous, ouais. Tu veux faire un petit bonjour à quelqu'un, tu veux dire quoi? Et alors attends, Corentin, donne-nous une note sur le début de ta journée, sur 10. Bah au début 6-7, maintenant le soleil s'ouvre dans les champs, il fait allez 9 sur 10, 10 allez sur 10. Un petit 9 sur 10 pour Corentin, allez oui, ouais. Bon bah c'est tout bon, tu fais un coucou à qui? Ah bah à tout le monde, à mon frère qui vous écoute sûrement, qui est dans son tracteur aussi en train de pocher comme moi. Hein? Voilà. Je vous écoute toute la journée, je continuerai toute la journée parce que je suis dans mon tracteur, toujours dans mon tracteur, donc voilà. Merci à toi. Allez, ça marche, on te fait plein de gros bisous. Salut, ciao, ciao. Ouais, salut, merci. Il y a quelqu'un d'autre, allô, bonjour. Oui, bonjour. Alors, t'as fait le 02-703-0071 et maintenant, oui, l'antenne d'énergie est à toi, tu peux dire tout ce que tu veux, vas-y. Oui, ben voilà, je voulais juste faire un petit bonjour à ma copine Sarah, la personne qui me supporte pendant 2 mois déjà. Et voilà quoi, je vais lui passer un bonjour et qu'elle passe une très bonne journée avec les enfants quoi. D'accord, et toi quel est ton prénom? Christopher. Christopher. Bah, Christopher, ça fait 2 mois que vous êtes ensemble et elle doit déjà te supporter? Oui, c'est bien ça. Et pourquoi? Comment ça se fait? Il y a du mal entre vous ou quoi? Non, du tout, c'est au niveau caractère. J'ai un fort caractère, elle a un très fort caractère. Ah, d'accord. Eh ben, écoute, on lui fait de gros bisous. À bientôt. Merci, à bientôt. Salut, 02-703-0071. Allô, qui est là? Bonjour. Bonjour, Aurélie. Salut, Isa. C'est Aurélie. Bonjour, Aurélie. Tu vas bien? Mais ça va. Très bien, et vous-même? Bien. Aurélie, une note sur ta journée, sur 10. Oh, pour le moment, j'ai envie de dire 8. Allez, 8 sur 10, c'est très bien, elle est positive. Tu veux dire quoi? Ben, un petit coucou à mes amis, à ma famille, pour dire aussi que dimanche, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire d'avance. Merci. Eh ben, j'aurais bien voulu venir chez vous. pour malheureusement, c'est ah oui, jeudi. Ah oui, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de concours du jeudi aujourd'hui, parce que bah, c'est les examens, donc on laisse un petit peu tout le monde. Je comprends. C'est surtout que ça fait 3 ans que je suis plus venue. Oh, on te fait plein de gros bisous, Aurélie. Gros bisous. Salut, ciao, salut. Ma belle. 02 703 0071. Allô? Allô? Oui, bonjour, quel est ton prénom? Bonjour, c'est Liliana. Bonjour Liliana, ça va? Ça va bien, et toi Oli? Mais oui, bien, bien, il y a Isa, il y a toute la bande. Salut à toi Liliana. Une note, bonjour, sur... Isa. Une note sur 10 pour le début de ta journée? Bah écoute, je dirais 9, avec le beau soleil qui est aujourd'hui. Allez, c'est bien, on a plein de gens positifs. Bah oui, mais on a tellement attendu ce soleil, ou du moins pas accompagné de pluie et d'orage, que maintenant voilà, on est tous contents, rayon de soleil et... On fait péter le chiffre. Tu veux dire quoi, Liliana? Tu veux dire quoi ce matin, Liliana? Mais écoute, je voudrais vous dire que j'appelle du Luxembourg. Ouais. Je vous écoute tous les jours. Oui. En allant, donc, dès que je me réveille et jusqu'à arriver au travail. Et moyenne à tous les Luxembourgeois. Merci. Et vous êtes une équipe formidable. J'adore votre bonne humeur. Et j'ai une petite question. Oui. J'aurais aimé savoir si nous, à partir du Luxembourg, on pourrait également participer à vos jeux. Ah, bien sûr. Là, tu peux gagner un waveboard sur le Facebook de l'émission, la page Le Réveil du Roi. Tu peux gagner ton waveboard, donc rendez-vous directement sur la page Le Réveil du Roi. Voilà. On t'embrasse, Liliana. À bientôt. Alors, on ouvrira encore la ligne tout à l'heure au 02 703 0071. Notez bien le numéro. Fait nuit dehors. J'ai besoin d'oxygène encore. À la semaine prochaine, si le vent te ramène. J'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se tu te souviennes à l'amour, à la haine, des envies d'ailleurs, propager le feu dans les cœurs et courir sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Je sais qu'on se reverra avant l'hiver. J'aime bien les belles assiettes bien remplies. Ah, nous aussi. Hein, monsieur Marc, on aime bien les assiettes généreuses. Oh oui, petit, alors on fait des promos généreuses. Oui, comme nos bons filets de poulet tendres et goûtus. Avec du poulet aussi bon, on est sûr de toujours avoir une bonne assiette. Mmh. Et à propos de bonne assiette, vous auriez pas un peu grossi, monsieur Marc? Un petit. Quoi? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, le bon filet de poulet sont à seulement 3,45€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Avicii et Bob Sinclair, c'est dans la suite des hits et on se fait le quiz vrai faux people avec Isa dans quelques minutes. Il est 9h. Maintenant dans les stations Kiwet avec Deleuze Shop & Go, un poulet rôti pour seulement 4 euros. Réchauffez-le à la maison et à table. Avantage. Rendez-vous vite chez Kiwet. 9h, l'info avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Olivier, bonjour Isa. Les trains roulent à nouveau à Hermal-sous-Huy. Les deux voies endommagées par l'accident de train survenu dimanche ont été remises en service. Du côté de l'enquête, la boîte noire du train de voyageurs aurait livré quelques informations. C'est ce qu'indique aujourd'hui le journal Le Soir. Le conducteur du train n'aurait pas freiné après avoir franchi un double feu jaune, comme l'exige la procédure. Il aurait actionné les freins en apercevant le train de marchandises beaucoup trop tard pour éviter la collision. L'accident a fait 3 morts et 10 blessés. Les syndicats des cheminots ont prolongé leur préavis de grève. Il pourrait donc y avoir de nouvelles actions entre le 12 et le 25 juin. Rappelons-le, les discussions entre les syndicats et les directions du rail semblent bien avancées. Les deux parties se retrouvent d'ailleurs aujourd'hui pour poursuivre leurs négociations à propos des jours compensatoires. La police de l'aéroport de Charleroi va mener une grève du zèle. Aujourd'hui, les policiers vont effectuer des contrôles minutieux à partir de midi. Ils réclament plus de personnel et une rencontre immédiate avec le ministre de l'Intérieur. À l'étranger, une fusillade a eu lieu hier dans un quartier très animé de Tel Aviv en Israël. On compte 4 morts et 5 blessés. À l'origine de l'attaque, 2 Palestiniens, ils ont été arrêtés. Israël a répliqué en suspendant les permis d'entrée de 83 000 Palestiniens pour le Ramadan. En sport, en football, l'Euro débute demain. Pour la Belgique, la compétition débutera lundi face à l'Italie. Aujourd'hui, nos Diables ont un entraînement au programme. Il est prévu à 10h et se fera à huis clos. Et enfin, en tennis, la Fédération internationale de tennis a tranché concernant Maria Sharapova. La joueuse russe est suspendue pour une période de 2 ans. Elle avait été contrôlée positive au meldonium lors d'un test antidopage. C'était le 26 janvier dernier lors de l'Open d'Australie. Il faut savoir que le meldonium fait partie des substances interdites depuis le 1er janvier. Une belle météo pour aujourd'hui. Un temps sec et ensoleillé au programme avec des températures comprises entre 16 et 23 degrés. Qui est là? Bonjour. Il y a le commandant. Bonjour. Aurélie Darédec. Bonjour. Bienvenue du Sada. Bonjour. Olivier Duroy. Et Jas qui est là. Bonjour Jas. Bonjour. Jas de Charleroi, c'est un joli prénom, Jas. Ouais. Bah oui, ouais. C'est comme quand tu vas aux toilettes quand tu tires la Jas. Jas, je plaisante, hein, c'était une blague. Évidemment. On parlait des prénoms un peu bizarres ce matin justement et c'est pour ça que je me disais, tiens, c'est un prénom. Et c'est un prénom de quelle origine, Jas? Bah, je suis congolais. Congolais, d'accord. Oui. Eh ben écoute, est-ce que tu t'y connais en people, toi, ou pas? Vite fait. Allez, on se fait un vrai faux people avec le magazine Public qui sort demain. Harper okay. Beckham, alors c'est la fille de Victoria et David. Elle fait la joie du web en ce moment, en fait, pour la journée des princesses à son école. Elle a refusé de mettre un costume de princesse et a préféré se déguiser en hot dog. Du coup, ça fait un peu tâche, hein, mais bon. Alors, est-ce qu'Isa est une menteuse ou pas menteuse? On joue ensemble. Moi, je dis que c'est une menteuse. Je dirais faux. Faux? Bravo, mais cette histoire existe vraiment. Hein. C'est une petite américaine, elle s'appelle Ainsley. Elle est devenue la star du web pour ça. Tout le monde est carrément en train de parodier son costume sur le web. On l'appelle la hot dog princess. Ouais, elle est allée à l'encontre des froufrous, des trucs qui collent à la peau des petites nanas pour assumer pleinement son costume préféré, le hot dog. Ah ouais, et tu mettrais pas toi un costume comme ça? Pourquoi? Bah je sais pas, ça t'irait bien peut-être. Oui, si tu veux, Olivier. Quoi? T'irais te promener en hot dog dans la rue. Si je peux choisir, c'est en pain saucisse alors. En avisance. Kate Moss a créé des shoots de chocolat. C'est un appareil en plastique en fait qui permet de se propulser de la poudre de cacao dans les narines et ça donne un coup de boost et c'est parfumé en plus. Alors, menteuse ou pas menteuse ? Oh, pas menteuse. Pas menteuse ? Oui. Tu te dis quoi, moi, toi ? Je dis pas menteuse, non. Moi, je dis pas menteuse. Bah, je dirais vrai. Ouais, ok, bah ouais, donc pas menteuse. Je suis menteuse. Mais attention, parce que ce chocolat shooter existe vraiment. Et il vient d'être inventé par l'artisan chocolatier Dominique Persson, c'est un Belge. C'est un petit appareil donc qui permet de se propulser la poudre de cacao dans les narines. Ça se vend 45 euros, 12 euros pour la dose, je vais y arriver, de cacao. Et voilà, il faut savoir que maintenant, bah, cet accessoire, c'est devenu un vrai gadget hein, dans les boîtes de nuit, surtout en Allemagne. Et ça... effectivement un effet stimulant, mais c'est provisoire. Hein. Dernière info. Tom Cruise n'aurait pas vu sa fille depuis 3 ans et ne chercherait même pas à la revoir. Menteuse ou pas menteuse ? Vrai ou faux ? Menteuse. Comment ? Menteuse, bah, il a dit. Je dis faux. Et toi, Olivier ? Moi, je dis faux aussi. Ouais. Faux. Eh ben non. Menteuse. L'acteur justifierait le fait de ne plus prendre du temps avec sa fille par un agenda surchargé. Alors la vraie raison, ça serait plutôt la scientologie, hein, dont il est un membre actif et très impliqué. Quant à Suri, bah, tout se passe bien pour elle. Hein. La petite gamine de 10 ans continue à faire parler d'elle hein, sur les réseaux sociaux et partout dans la presse. Vous voulez savoir son dernier petit caprice en date ? Oui. Ouais, ah bah, chouette, merci Olivier. Elle a renvoyé son professeur de guitare pour, attention, elle a 10 ans, différents créatifs. Ah, ça promet d'accord. Pour la suite. Hein. Jess, tu veux faire un petit coucou à quelqu'un ? Vrai. D'accord, à vrai. Eh ben... Alors on lui passe le bonjour, à vrai. Tu veux faire un coucou à quelqu'un ? Ouais, je vais faire un bisou à ma femme. Oui. Qui est en train de suivre à l'instant même. D'accord. Eh ben... Non, je le kiffe et je l'aime beaucoup. Eh ben voilà. D'accord. On te fait plein de gros bisous. À plus tard, Jess. Avicii, Bob Sinclair, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Merci Isa pour ces belles infos avec le magazine Public. L'Actu People en collaboration avec Public Belgique. Retrouvez Public Belgique sur publicbelgique.be. It feels good in my heart, in my soul when you're right here beside me. And I don't ever want this day to end. We can watch the waves, have a coke and just sit here beside me. I take a little of my heart again. So we can feel forever, yeah, feel together, be real together and no one can stop me. Make it easier to sing, yeah. Make it easier to sing, yeah. It feels good as we stand on the shore and to jump in, I grab another coke and let's dive in. We see the stars align. We make the simple moments last for a lifetime. So we'll feel forever, you and me together. Make us feel forever and be real together. No one can stop me when I taste that feeling. Nothing could ever bring me down. Première sur les nouveautés. Salut, c'est Bob Sinclair. Bob Sinclair. C'est mon nouveau single sur Énergie. C'est sympa, les photos, bon, ouais, ça va. Ou alors, bon, vous dites, waouh, c'est super. Vous voulez le top niveau photo sur un smartphone? Bon, ben, c'est le Huawei. Huawei. Exactement. C'est le P9 qu'on vous offre, ce smartphone d'une valeur de plus de 500 euros. C'est l'avant-dernier jour pour tenter de le gagner avec MediaMarkt de Rue Neuve à Bruxelles. Quelle équipe de foot ouvre le bal de l'Euro 2016 ce vendredi? Réponse A, France-Roumanie. Ou réponse B, Virton-Roulers. Vous envoyez phone suivi du A ou du B par SMS au 78. Bonne chance. On parle des UV ce matin dans le Réveil du Roi sur Énergie. Est-ce que vous faites des UV? Non, vous avez peur du cancer de la peau? Oui, mais juste quelques séances par an, sans exagération. Il y a quelqu'un avec nous? Allô, bonjour. C'est Stéphanie qui est là. Bonjour Stéphanie. Stéphanie. C'est pas grave. Ah bonjour. Tu vas bien? Très très bien, oui, merci. Et vous? Mais bien, bien, bien. Stéphanie, toi tu es pour les UV, hein? T'en fais d'ailleurs régulièrement. Non, alors. Allô? Oui, on t'entend. Non, alors moi c'est Céline, hein, donc je m'appelle. Ah, c'est Céline, d'accord, pardon, excuse-moi. Oui, oui. Alors, effectivement, donc, c'est vrai que depuis l'âge, en même temps, 17 ans, j'en ai fait pas mal, j'avoue. Mais ça fait environ un an que je n'en fais plus du tout. Parce que justement, on lit tellement d'articles, on voit que le cancer de la peau est de plus en plus présent, et ça fait réfléchir quand même, je trouve. D'accord. D'accord. Et donc, toi, ça t'a vraiment fait peur, là? Et t'en faisais? Moi, ça m'a fait peur, oui. T'en faisais à raison de combien par semaine, par exemple? Oh, c'était un par semaine pour garder bonne mine, on va dire. Ah ouais, quand même. C'est... Oui. Et quoi, tout au long de l'année? Non, c'est vrai que c'est par période, en hiver un peu plus, parce que là, on a moins de soleil. Maintenant, en été, là, pas besoin, on a déjà le soleil, en général, qui est présent. On va essayer de joindre une amie à moi qui tient un centre de bronzage justement, et on va essayer de lui poser la question justement par rapport à ça. Est-ce que ça reste vraiment dangereux ou pas? Donc Céline, je te conseille de rester à l'écoute, d'accord? Oui, d'accord. Plein de gros bisous, Céline. Salut, ciao. Stéphanie, alors, elle est avec nous. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Alors, est-ce que tu fais des UV, toi, Steph? Ben, tout à fait. En fait, j'en fais une fois par semaine, quasiment toute l'année. Aïe. Et qu'est-ce qui te motive, toi, à faire les UV? C'est comme une drogue? Parce qu'il paraît que ça peut devenir comme une drogue de faire des UV. T'en penses quoi? Ben, franchement, ouais, voilà. Moi, j'en fais une fois par semaine et c'est tous les mercredis en général. Et c'est vrai que j'ai besoin d'avoir bonne mine comme ça toute l'année. Donc, c'est pour être bronzée, être jolie, ouais, pas avoir trop de cernes, de fatigue, etc. Avoir un teint plus uniforme. Ouais, du coup, j'ai moins besoin de me maquiller, tout ça. Enfin, voilà, quoi. J'ai vraiment ce besoin d'en faire, quoi. Alors, justement, toi, la mauvaise presse qu'il y a autour de ça, t'en penses quoi? Ben, franchement, je pense que tout ce qu'on fait, il y a toujours du mauvais dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit. Et voilà, quand je me dis que moi, je fume pas, je bois pas, ben, je fais du bon, quoi. Donc, je relativise avec ça et je me dis qu'il y a d'autres choses qui sont aussi mauvaises pour la santé. Donc, voilà. C'est une façon de te rassurer que t'as trouvé en te disant. Franchement, je me prends pas la tête avec ça et voilà quoi. Bon, vous en pensez quoi, vous? On en parle ce matin au 30-18 par SMS. Est-ce que vous êtes pour ou contre les UV artificiels? C'est vrai que Isa, quand on se met sur la plage sans vraiment de protection, etc., c'est aussi dangereux que. C'est moins dangereux. Il faudrait que je retrouve ça sur le net, mais quand tu fais une séance d'UV, c'est comme si tu te mettais je sais pas combien d'heures au soleil en plein midi. Donc c'est vachement plus intense, hein. T'es vachement plus bombardé d'UV. Bon. Alors il y a les UVA et les UVB. Les UVB, c'est ceux qui font bronzer, qui sont moins dangereux, qui restent en surface. Et les UVA qui pénètrent vraiment et qui sont responsables des cancers. Ouais, et moi UV bien. Ok. Baby, I like your style. On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Take it slow. Make you lose control. Wet. Cause if you're down. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Energy.

But if you can brave it, I can brave it, brave it all for you. Call me anytime you can see the lightning. Don't you feel alone, you can always find me. We got a wild love, raging, raging. Lost among a million changing faces. Every day our hearts keep trading places. We got a wild love, raging, raging. The lightning, never feel alone, you can always find me. We've got a wild love raging, raging. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I've fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay. My sins, won't you? Oh, Soleil du Roi. Et la suite dans un instant, ce sera Delta. C'est un groupe belge. Ah, chouette. Voilà. Allez, restez avec nous. On parle ce matin de du bronzage. On parle des UV, ouais, des pas cabines. Pas de l'auto-bronzant. Voilà. On parle des UV. Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que vous en faites beaucoup, etc. Et je vous avais dit que j'appellerais une de mes potes qui s'appelle Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour Olivier. Comment ça va? Très très bien, merci. Tu tiens un centre de bronzage dans la région dans la région d'Ardennes, c'est ça? Tout à fait, Asclin exactement. Asclin. Bon, Nadia, est-ce que c'est dangereux les UV ou pas? Alors les UV, c'est comme toute chose, je pense, c'est à utiliser avec modération. Il y a des gens qui bronzent vraiment toute l'année, qui sont tout le temps noirs, mais c'est sûr que tout excès est mauvais. Donc maintenant, quand on va dans un centre où on respecte le changement des lampes et où on respecte le temps de bronzage, non. En quoi c'est pas dangereux. Je me suis toujours posé la question, Nadia. En quoi c'est important de changer les lampes? Est-ce que c'est pour qu'elles, parce qu'elles rayonnent moins fort à la fin et donc qu'elles rayonnent de nouveau? Ou c'est une question vraiment de santé? Non, elles rayonnent plus fort même à certains moments. Donc les quand gens elles sont vieilles alors. Oui, tout à fait. D'accord. Elles sont vieilles, elles rayonnent beaucoup plus fort. Ah, d'accord, je pensais que c'était l'inverse. Ouais. Non, elles rayonnent plus fort. Donc voilà, mais il faut savoir aussi que oui, on fait une grosse publicité qui est très négative sur les solariums. Mm-hmm. Il faut quand même se dire une chose, c'est que la vitamine D que l'on retrouve en faisant une séance de bronzage est quand même positive pour beaucoup de cas. Il paraît que c'est pas synthétisé justement quand on fait du solarium, cette vitamine. C'est totalement identique en fait. On a des médecins qui nous envoient des gens qui sont en dépression. Ça a un effet sur la construction osseuse, en apport de calcium. Donc voilà, il y a du bon et du mauvais. Maintenant, je pense que tout abus, comme l'alcool, comme tout le reste, tout excès est mauvais. Et si on dose et qu'on prépare sa peau avant de partir en vacances, au lieu de brûler, par exemple, c'est très bien de faire quelques séances. Donc, il paraît que justement, voilà. Ça ne prépare pas du tout la peau quand on part. Attends, je t'explique pourquoi je dis ça, ce que j'ai lu comme info. Il va y avoir combat de gonzesses dans la peau. Non, pas du tout. Justement, c'est chouette de pouvoir échanger. Les UV qui préparent ta peau à partir au soleil sont les UVB, et dans les cabines de bronzage, ce sont essentiellement des UVA qui sont distillés donc par les lampes, et donc il n'y a pas d'épaississement de la peau, parce que c'est ça qui prépare la peau au bronzage. C'est une réaction naturelle qui épaissit la peau et qui fait qu'on est mieux protégé après pour aller chercher le soleil, ce qu'on n'a pas du tout avec les cabines de bronzage, d'où la non-efficacité totale des UV artificiels pour préparer sa peau au bronzage. S'il vous plaît, parole à Nadia maintenant qui a le droit de réponse aussi. Non, mais j'écoute. Bah, non, mais c'est sûr que les solariums, donc il y a généralement 95% d'UVA, mais il y a des UVB aussi. Mais très donc, peu. Très peu, effectivement, oui, par rapport au soleil. Maintenant, on prépare la peau quand même parce qu'on dose vis-à-vis des minutes, vis-à-vis de l'intensité du solarium, que par exemple, quand on va au soleil, on n'a aucun contrôle, d'où certaines personnes sont vraiment brûlées et arrangées avec le soleil. Est-ce que, Nadia, il y a une réglementation? Bien sûr. C'est quoi la réglementation exactement? Il y en a plusieurs, notamment, donc ça on le sait tous, interdit au moins de 18 ans. Donc ça, mais sur le temps à passer, etc. Sur le temps, oui, la première séance normalement doit être de 7 minutes. D'accord. La toute première séance, on ne peut pas effectuer une séance de bronzage. Donc après la première séance, il faut attendre 48 heures pour faire la seconde. Donc voilà, oui. Ouais, et dans tous les cas, évidemment, faire appel à un ou une professionnelle comme Nadia, par exemple. Tu penses quoi du tanning, toi? Je pense quoi, pardon, Olivier? Je ne t'ai pas bien entendu. Du tanning. Moi, j'y ai eu recours il y a quelques années avant d'avoir mes solariums. Honnêtement, je ne suis pas fan. Ça les détache et je ne suis pas fan. Te remercie, Nadia. On va en parler avec Florence, justement, qui, elle, tient un centre également. Et le tanning, c'est des douches auto-bronzantes, tu vois. Voilà, il faut expliquer parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est, tu te colores la peau. Bonjour, Florence. Comme un fond de teint. Allô, bonjour. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, toi, tu tiens un centre, justement, et où il y a du tanning, alors, c'est ça? Exactement, donc c'est une douche auto-bronzante professionnelle donc, hein, qui permet d'être bronzée toute l'année sans UV ou autre, parce que certaines personnes ne peuvent pas aller sous les bancs solaires ou ne peuvent pas s'exposer au niveau du soleil pour les UV, donc c'est une bonne alternative vis-à-vis de ça. Il y a quelques années c'était orange, mais cette année que ça commence vraiment à devenir de plus en plus naturel évidemment. Elle parlait de tâches justement, c'est pas encore une technique tout à fait au point au niveau du bronzage. Il y a quelques années, peut-être, mais maintenant, on fait ça par air sucré, ce qui fait que c'est vraiment un spray autobronzant, et donc c'est fait d'une manière totalement uniforme, comparativement à l'autobronzant qu'on fait chez soi. D'accord. Et dernière petite question, les composants, justement, du tanning, c'est ce produit qui rentre et qui pénètre dans ta peau, est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'il n'y a pas des produits dangereux aussi là-dedans? Il faut faire justement attention, parce que quand on achète du produit de mauvaise qualité, ben, il y a du parabène, il y a de l'alcool, il y a des choses comme ça, qui sont pas très très bonnes. Mais au final, quand on achète un produit de qualité, c'est comme, comme partout, il faut mettre le prix que pour avoir quelque chose de bien. C'est mon ex-belle-sœur qui avait mis de l'autobronzant, tu sais, du truc vraiment du produit autobronzant avant d'aller en Égypte il y a quelques années, tous ensemble avec la famille. Elle arrivait dans l'avion, elle était orange. Oh là mais là. orange. Orange. On t'embrasse, Florence. Merci d'être passée nous faire un petit coucou. Florence ? Allô Florence. Ah ouais, on te fait plein de gros bisous, ma belle. Bisous. Qu'est-ce qui te met de bonne humeur le matin? Bah, c'est le réveil du roi. On atterrira dans les étoiles, on aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. Caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Tu sauras étonné de voir jusqu'où peut nous mener le goût de l'aventure. Parfois quelques frissons, 20 000 blessures. En visant la lune, on ne peut pas se tromper. Atterrira dans les étoiles, et de là-haut on pourra voir le monde entier. Hors de portée des orages, un jour on posera nos bagages, et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pourront nous porter, même au-delà, nous serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. Smartphone, pas n'importe lequel, le smartphone Huawei P9, valeur plus de 500 euros, on vous l'offre avec MediaMarkt de Rue Neuve à Bruxelles. Quelle équipe de foot ouvre le bal de l'Euro 2016? C'est facile, hein? Ce vendredi. Réponse A. France-Roumanie. Ou alors réponse B. Virton-Roulers. Votre avis, hein? De la réponse, vous envoyez phone, suivi du A ou du B par SMS au 78, ce qui va vous permettre de repartir avec votre smartphone Huawei P9. Ouais. Ce qui va changer votre vie. Ouais. Vous pourrez dire, enfin, j'ai le Huawei. Huawei. Huawei. Ça s'est passé hier soir chez Goy. Ah, c'était beau, c'était bien, magnifique. Oh, il y avait les degrés, on est monté dans les sentiments, on est redescendu, hop, on est arrivé à la fin au bon moment. Oh là là. Tu t'es fait avoir au super jeu. Ça va, Manon?

is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Chiran qu'on va retrouver dans un instant. Tu déconnes. Mais je te le promets. Alors je te. Hey, sérieux, regarde-moi dans les yeux, ouais. Je te jure. Look into my eyes. Je te regarde look in my eyes. D'accord. C'est magnifique. Bon allez, sérieusement les amis, 9h48, on va terminer l'émission dans un instant pour laisser la place à Kevin. N'oubliez pas, et tout à l'heure Marco et Wendy sont dans le sud de la France là, dans la presqu'île de Julien. Ouais, ils vous offrent vos vacances. Ils sont en train de tester en fait un club bel en bras là-bas pour vous dire si c'est vraiment aussi chouette que ça en a l'air, et je pense bien, parce que je les ai encore écoutés hier et ils s'éclatent. Ils ont 2000 euros de vacances et ils ont mis une petite vidéo là sur Facebook, allez jeter un petit coup d'œil, c'est le top là-bas, et puis 2000 euros de vacances à gagner. Bon les amis, 9h48, chez nous, on vous file le smartphone Huawei P9. Énergie vous offre votre smartphone Huawei. Valeur plus de 500 euros. Ça se passe avec MediaMarkt Rue Neuve à Bruxelles. Il y avait une question. On va tout de suite voir qui repart avec son cadeau. Qui est un expert en foot? Oui, parce que la question était compliquée. Oh là là, quelle équipe de foot ouvre le bal de l'Euro 2016 ce vendredi? France-Roumanie ou Virton-Roulers? Aïe, aïe, aïe. On ne se tient à plus. Les équipes se valent. Hein. Qui va gagner? Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour, quel est ton prénom? Arnaud. Bonjour Arnaud. Arnaud? Oui. Tu repars avec ton smartphone Huawei? Et ben voilà, ça te fait plaisir. Bien sûr. Eh ben oui, Huawei. Oui. T'habites où? À Otigny. À Otigny. Eh ben écoute, on envoie ça du côté d'Otigny. Et puis tu vas terminer l'émission avec nous. Le temps de dire au revoir à toute l'équipe. À demain. À demain. Oui, bien sûr. Et on poserait pas déjà la question de demain? Toi, t'as vraiment de bonnes idées, Olivier. C'est vrai, hein? Ouais. Bonne idée, allez. Comme ça, les gens peuvent jouer déjà. Ah bah oui, ils prennent une longueur d'avance. Alors, parmi ces deux propositions, quel est le symbole le plus connu de Paris, hein, Paris où se déroulera le premier match de la Coupe d'Europe? Réponse A, la Tour Eiffel. Réponse B, la Tour Montparnasse infernale. Vous envoyez faune, suivi du A ou du B par SMS au 78. Et puis rendez-vous demain en fin d'émission pour rafler ce beau téléphone. Jérôme du Standard, à demain. À demain. Aurélie de la Rédac, à demain. À demain. Salut, commandant. Salut. Bisous, Isa. Bisous. Les amis, n'oubliez jamais que la vie est une fête. Fêtons-la ensemble chaque matin dans le Réveil du Roi. Et qu'est-ce qui met de bonne humeur le matin, Arnaud? Le Réveil du Roi. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about I just wanna tell you. Oh, God.

I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone.